Bosco, Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal. Voici tout de suite les grands titres. Le parti Sawagna Frodebou compte porter plainte contre les auteurs des actes qualifiés d'intimidation à son endroit. En plus de ses permanences vandalisées, ce parti s'est vu voler une quinzaine de drapeaux depuis les trois derniers mois. Le chef-lieu de la commune Rougombo en province Civitoke n'a pas d'eau potable depuis deux semaines déjà. Les habitants qui se rabattent sur l'eau de la rivière Nyakagunda craignent d'attraper les maladies des mains sales. Et Bujumbura abrite depuis ce mercredi une compétition internationale de volleyball de sable, Volleyball World Beach Pro Tour, mais 11 pays ont répondu présents sur une trentaine attendus. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le chef-lieu de la commune Rougombo en province de Cibitoke n'a pas d'eau potable depuis deux semaines déjà. Certains puisent l'eau de la rivière Nyakagunda et craignent les maladies des mains sales. Ils demandent au service en charge de la distribution de l'eau de rétablir les choses en l'état. Suivez certains citoyens de la commune Rougombo. On n'a pas d'eau potable, c'est pour cela que je suis venu puiser dans cette rivière. C'est pénible. C'est cette rivière Nyakagunda que nous utilisons pour la cuisson, la lessive et pour boire quand on a vraiment manqué d'eau potable. Il arrive qu'on achète un bidon d'eau potable à 500 francs. Avec 200 francs, tu ne peux pas en avoir. Comment allons-nous avoir une bonne santé? On peut donner à manger à un enfant, il commence à faire la diarrhée suite à l'eau sale. On fait la lessive dans cette eau. Les enfants y mettent des saletés. On puise cette eau parce que l'on manque d'eau de robinet. Même les robinets publics ont tari. On achète un bidon à 500 ou 1000 francs. Les enfants en souffrent. Ils ont des vers intestinaux. Il arrive que nous, femmes enceintes, on souffre des infections suite à cette eau sale. On n'a pas d'argent pour acheter de l'eau propre à 1000 francs pour le bidon. Ainsi, on puise cette rivière, on se lave cette eau et le corps change suite aux microbes contenus dans cette eau. On entend aussi qu'il y a des maladies liées au manque d'hygiène. C'est vraiment problématique. Voilà, c'était des habitants de Rougombo. Au niveau de l'antenne de la régie des eaux en province de Cibitoke, on informe que le problème est généralisé et s'explique par l'extension des villes. Un appel est ainsi lancé aux partenaires de ce secteur pour qu'ils continuent d'appuyer pour que la question soit résolue. Je vous l'avais dit dans les titres, le parti Sawagna Frodebou compte porter plainte contre les auteurs des actes qualifiés d'intimidation à l'endroit de ce parti. Son porte-parole déclare que non seulement des permanences ont été récemment détruites à Ouanza, mais une quinzaine de drapeaux ont été également volés ces trois derniers mois. Honorable Sylvestre Wikorindagara estime qu'après tout, le ministère de l'Intérieur en charge des partis politiques devrait se saisir du cas pour mettre fin à cette intolérance politique. On l'écoute. Les permanences du parti Sawagna Frodebou sont endommagées par des gens non encore connus. Dans la nuit du lundi à mardi de cette semaine, il y a eu la permanence en commune Panda, sur la colline Utembe, qui a été démolie complètement. En effet, le samedi dernier, alors que la permanence aurait dû être inaugurée, l'administrateur communal a empêché cette action sous prétexte que le recensement en cours n'est pas encore terminé, le recensement général de la population. Mais nous nous posons la question, est-ce que depuis que ce recensement a débuté, est-ce que les autres activités ne continuent pas? Les marchés sont toujours ouverts, les transports continuent, l'administration continue. Prendre un faux prétexte pour empêcher une activité du parti. Non pas seulement les permanences, j'ai dit que c'était à Rumonge et ici à Bubanza, mais dans les trois ou quatre derniers mois, ça fait 15 drapeaux qui ont été volés, ainsi que 8 de leur support, 11 drapeaux à Rumonge et 4 à Bubanza. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous croyons toujours que la justice burundaise peut toujours agir. Pour les cas dont nous connaissons les auteurs, nous allons introduire un recours en justice. Mais le plus important pour nous, et nous l'avons toujours réclame. C'est que les autorités du ministère de l'Intérieur, qui ont en charge la gestion des partis politiques, devraient donner l'ordre pour que ces activités malveillantes envers d'autres partis cessent. Et je suis sûr et certain que si ces autorités-là, à commencer par le ministre, le disent clairement, haut et fort, je suis sûr que ça va cesser. C'était l'honorable Sylvestre Wikorindagara du parti Sahwanya Frodebou. Approbation ce jeudi en Ngozi des organes dirigeants du Front pour le logement des enseignants microfinance, société coopérative. Lors d'une assemblée générale, Victor Ndawani est président du conseil d'administration de la Fondation FLEU qui a mis en place cette microfinance, parle d'une avancée significative car toutes les exigences de la BRB et du gouvernement, notamment la représentation du gouvernement dans ses organes et autres, ont trouvé remède dans cette assemblée générale. Il a dit à notre correspondant Apollinaire Muzagara que cette microfinance présente des avantages multiples et appelle les enseignants à y adhérer massivement. Comme ça a été dit lors de cette assemblée générale extraordinaire, certaines exigences du gouvernement burundais, de la Banque centrale de la République, dont la composition des membres des organes dirigeants et certains amendements des textes, ont dû retarder l'autorisation d'ouverture de cette microfinance des enseignes. Comme vous le savez, la FLE Fondation et la société coopérative FLE Microfinance, ce sont des institutions qui ont les mêmes promoteurs, principalement les syndicats, le gouvernement et les enseignants. Pour pouvoir avancer dans cette logique de création de la microfinance, la partie syndicale avait sollicité la participation du gouvernement en tant que partenaire qui a même donné des subsides depuis le début de la fondation. C'est la raison pour laquelle il a fallu des négociations pour que cet autre partenaire puisse faire partie des organes d'orientation, des organes de gestion, en vue de s'assurer qu'on va avancer sans aucune difficulté. Donc, depuis le mois de janvier, on était dans l'attente de la personnalité qui devait représenter le gouvernement du Burundi. Ce n'est que le 14 août que le Conseil des ministres a finalement décidé de nous envoyer la personnalité qui va représenter l'État. Et à côté de cela, il y a aussi des exigences d'ordre statutaire. Victor Ndabaniwe parle d'importants avantages aux enseignants avec la naissance de ce front microfinance des enseignants et demande par conséquent plus d'adhérents. La nouvelle institution n'a pas le même cadre juridique que celui de la fondation. Elle va générer des intérêts au crédit qu'elle va octroyer aux enseignants. Elle va rémunérer les enseignants sur les placements qu'ils vont faire au sein de cette institution. Donc vous comprendrez bien qu'à la fin, contrairement à la fondation qui percevait les intérêts et les remettait directement à la banque, tous les crédits qui seront donnés par la société coopérative microfinance, les intérêts irrelatifs seront directement évalués parmi le chiffre d'affaires de cette microfinance. Tout ce qui est rapport avec l'intermédiation financière qui était réalisé par la fondation vont être transférés à la société coopérative microfinance. Et c'est notamment le portefeuille des encours, donc les crédits qui sont en cours de remboursement, évalués actuellement à plus de 100 milliards. Et nous avons également les épargnes logements déjà consentis par les enseignants qui sont évalués à près de 9 milliards. Lors de cette assemblée générale, les membres du conseil d'administration et celui de surveillance ont été approuvés. Ce front logement des enseignants microfinance va démarrer avec un capital de plus de 5 milliards de francs. Donc aussi, apprenez Muzagara, Radio Sanganir. Certains caféiculteurs de la colline Karurusi, en commune Gatara de la province Kayanza, s'inquiètent du rendement du café les jours à venir en raison du désintéressement de la jeunesse, raison pour laquelle ils réclament une augmentation du prix au kilogramme de café cerise. Félicien Ndiyibitanga, superviseur au sein de l'Office du développement du café dans la région nord, tranquillise ses caféiculteurs et déclare que la question trouvera solution les jours à venir. Patrick Saint-Guillaume. Certains de ces caféiculteurs de la colline Karurusi en commune Gatara de la province Kayanza contactés indiquent qu'ils ne sont pas satisfaits du prix d'un kilogramme de café cerise, surtout que c'est le ces caféiculteurs, l'entretien de cette culture industrielle coûte cher. D'autres parmi ces caféiculteurs trouvent d'ailleurs que certaines cultures vivrières coûtent un prix cher par rapport au prix du café et s'inquiètent que les jours à venir, le rendement de la culture du café pourra beaucoup chuter, expliquant que la jeunesse d'aujourd'hui ne s'intéresse pas à cette culture industrielle. industriel qu'est le café. Les caféiculteurs de la colline Karourou s'y trouvaient que le prix d'un kilogramme de café cerise devrait être au moins fixé à un prix variant entre 2 et 3 000. Interrogé à ce sujet, Félicien Nibitanga, superviseur au centre de l'Office du café du Burundi dans la région nord, il nous a fait savoir que le gouvernement burundais est en train de fournir beaucoup d'efforts dans la redynamisation de la culture du café et parmi ces efforts figure aussi celui de la hausse du prix du café cerise les jours à venir, ajoutait-il. Signalons que le prix d'un kilogramme de café cerise coûte aujourd'hui 1380 de francs. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Et la plupart de bambous plantés le long de la rivière Murembwe dans le sud de la ville de Rumonge, dans l'optique de protéger ses berges, servent de pâturage à des chèvres. Obed Nineshwa, chef de l'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement de Rumonge, l'a dit ce jeudi, journée dédiée à cette cause. Il demande à l'administration locale de s'investir afin de stopper ce phénomène. Le gouverneur de Rumonge demande aux leaders communautaires de prendre le devant dans la protection de l'environnement. Jean-Pierre Misago. Parmi les 5000 boutures de bambou plantées le long de la rivière Murembwe, la plupart a servi et sert toujours au pâturage des chèvres en divagation dans cette vallée selon Obed Nineshwa, responsable provincial de l'Office burundais pour la protection de l'environnement de Rumonge. Pour lui, cette pratique renforçant l'action destructrice de cette rivière dans sa vallée et la partie sud de la ville de Rumonge, comme cela est le cas pendant la saison pluvieuse ces dernières années, doit cesser et demande aux autorités locales à Mutambara et des quartiers sud de la ville de Rumonge de s'y impliquer. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumonge, quant à lui, demande aux élus collinaires de prendre le devant dans la mobilisation de leur population autour de la protection de l'environnement et des demandes d'explications doivent être adressées aux récalcitrants. Les femmes s'étant distinguées dans la plantation et l'arrosage des arbres dans la ville de Rumonge dans le cadre du programme Ewe Burundu Rambaye et qui s'illustrent dans la propriété de cette ville ont été primées. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La Confédération africaine de football CAF doit bien analyser les plaintes de la Fédération burundaise de football FFB contre le principal arbitre égyptien pour avoir sifflé un pénalty litigieux. C'était lors du match qui a opposé le Burundi au Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Docteur Célestin Mvutsewanga, professeur à l'Institut d'éducation physique et des sports de l'Université du Burundi, estime que même si le match ne peut pas être annulé, des mesures appropriées seront prises en respectant les lois régissant le football. Suivez son analyse. L'arbitre a sifflé une faute litigieuse qui n'a rien à voir avec une faute, mais que cette faute litigieuse a engendré effectivement un pénalty et mena effectivement à l'échec l'équipe burundaise. Dans la foulée, la Fédération de football du Burundi a adressé une lettre de plainte contre la décision de l'arbitre pour siffler une faute litigieuse qui a conduit effectivement que le Burundi perd 3 points dans ce match, mais aussi de savoir pourquoi on a changé l'arbitre du jour sans toutefois aviser les parties en jeu. Donc cela montre que le Burundi n'a pas été informé sur le changement de l'arbitre central, alors que d'habitude CAF informe les équipes tout changement d'arbitre. Je crois que sur ce dernier point, c'est un peu aussi saillant que le Burundi peut se baser pour effectivement réclamer la reprise du jeu ou de rejouer le jeu. Mais sinon, le premier point concernant la décision de l'arbitre, normalement, on tient compte de la décision de l'arbitre, quelle que soit son erreur, quelle que soit sa mauvaise appréciation, mais que effectivement, si la commission juge bon que l'arbitre s'est trompé ou a fait une erreur, c'est l'arbitre qui est sanctionné ou tout ce qui intervenait dans ce match dont la responsabilité a conduit que le Burundi puisse perdre le match, mais je crois que c'est rare, même si je n'entre pas en profondeur dans les règles, c'est rare qu'on revienne à la décision d'annuler le match. Mais avec le dernier point qui concerne le changement, et si on n'en avait pas avisé, cela peut conduire effectivement au changement, à rejouer le match. Docteur Célestin Mvutsewanga, professeur à l'Institut d'éducation physique et de sport IEPS de l'Université du Burundi. La pandémie de la variole du singe au Burundi et la grève des travailleurs à l'aéroport de Nairobi ce mercredi, telles sont certaines causes de l'absence de certains pays à la compétition internationale de volleyball de sable, le Volleyball World Beach Pro Tour, qui se déroule à Bujumbura depuis ce mercredi. Serge Nakavura, président de la Fédération burundaise de volleyball, fait savoir que cette compétition va permettre l'entrée des devises au Burundi. Le président de la République, qui a ouvert solennellement cette compétition, a quant à lui suggéré aux joueurs étrangers de visiter différents sites touristiques du Burundi. Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Lors du lancement officiel de cette compétition, Serge Nakavura, président de la Fédération burundaise de volleyball, a indiqué que 30 pays y étaient attendus, mais que 11 pays seulement ont confirmé leur participation. Il précise que la pandémie de variole du singe et une grève déclenchée à l'aéroport de Nairobi au Kenya ont empêché certaines délégations d'atterrir sur Bujumbura. Malgré cela, le président de la Fédération burundaise de volleyball indique que c'est un grand honneur pour le Burundi d'abriter telle compétition de rang international. Le Burundi, à travers la Fédération burundaise de volleyball, abrite pour la deuxième fois consécutive ici à Bujumbura la compétition de rang mondial dénommée World Beach Volleyball Pro Tour 2024. Cela est encore un honneur et un témoignage historique que l'instance internationale accorde à notre pays. Le Burundi. Il ajoute que le Burundi va gagner beaucoup de cette compétition, notamment en termes de rentrée des devises et visibilité. Le beach volleyball représente le sport communément touristique. Et du côté du Burundi, nous allons gagner en visibilité de notre pays. Les compétitions auxquelles vous allez assister sont en ligne et des milliers de téléspectateurs découvriront les beautés du Burundi à travers les images qui les seront transmises en direct. Je saisis cette opportunité pour exprimer toute ma gratitude au gouvernement de la République du Burundi à travers son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi pour son engagement, son soutien sans faille et ce qui pousse son attachement indéfectible à l'idéal de développer tous les disciplines sportives dans notre pays, notamment le volleyball. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, qui a ouvert officiellement cette compétition, a remercié toutes les délégations présentes. Il a demandé en outre aux joueurs en provenance des pays étrangers de visiter les différents sites touristiques. Cette compétition de volleyball, le World Beach Pro Tour, va prendre fin samedi le 14 septembre 2024. Jean-Marie Vianney Ngendakumana. En actualité internationale au Sénégal, trois jours après le naufrage qui a frappé un bateau avec plus de 125 personnes à bord au large de la ville d'Ombour, les recherches pour trouver des survivants continuent même si les chances sont quasi nulles. Le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé dans la ville d'Ombour mercredi. Le constat est clair, la situation est intenable. Accusé d'inertie, le chef de l'État sénégalais promet de sévir contre les passeurs. Le Sénégal vit l'une de ses pires crises migratoires depuis quelques années. Au Sénégal toujours, mais cette fois-ci au chapitre politique, une dissolution de l'Assemblée nationale pourrait arriver d'ici peu. Depuis 5 mois et son arrivée au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye doit composer avec une chambre acquise à l'opposition. Mais à partir de ce jeudi 12 septembre, il est en droit d'appeler à des législatives anticipées. Enfin, tous les vols ont été annulés ce jeudi 12 septembre au matin, au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Charleroi, le deuxième de Belgique, pour le trafic de passagers en raison d'une grève du personnel de l'aéroport portant sur les conditions de travail. L'aéroport de Charleroi, qui dessert plus de 190 destinations en bonne partie dans le bassin méditerranéen, revendique un trafic de 8 millions de passagers par an, comme le rapporte l'agence France-Presse. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.